À ce nom, l'étudiant regarda fixement Vautrin. Le père Goriot leva brusquement la tête. Il jeta sur les deux interlocuteurs un regard lumineux et plein d'inquiétude qui surprit les pensionnaires. Christophe arrivera trop tard. Elle y sera donc allée, s'écria douloureusement Goriot. J'ai deviné, dit Vautrin, en se penchant à l'oreille de Madame Vauquer. Goriot mangeait machinalement et sans savoir ce qu'il mangeait. Jamais il n'avait semblé plus stupide et plus absorbé qu'il l'était en ce moment. Qui diable, monsieur Vautrin, a pu vous dire son nom? Demanda un jeune. Ah, voilà, répondit Vautrin. Le père Goriot le savait bien, lui. Pourquoi ne le saurais-je pas? Monsieur Goriot? S'écria l'étudiant. Quoi? Dit le pauvre vieillard. Elle était donc bien belle hier? Qui? Madame de Restaud. Voyez-vous le vieux Grigou? Dit Madame Vauquer à Vautrin, comme ses yeux s'allument. Il entretiendrait donc? Dit à voix basse Mademoiselle Michonneau à l'étudiant. Oh oui, elle était furieusement belle, reprit Eugène, que le père Goriot regardait avidement. Si Madame de Beauséant n'avait pas été là, ma divine comtesse eût été la reine du bal. Les jeunes gens n'avaient Dieu que pour elle. J'étais le 12e inscrit sur sa liste. Elle dansait toutes les contredanses. Les autres femmes enrageaient. Si une créature a été heureuse hier, c'était bien elle. On a bien raison de dire qu'il n'y a rien de plus beau que frégate à la voile, cheval au galop et femme qui danse. Hier, en haut de la roue, chez une duchesse, dit Vautrin. Ce matin, en bas de l'échelle, chez un escompteur. Voilà les parisiennes. Si leurs maris ne peuvent entretenir leur luxe effréné, elles se vendent. Si elles ne savent pas se vendre, elles éventreraient leur mère pour y chercher de quoi briller. Enfin, elles font les 100 000 coups. Connu, connu.